La présidente du mouvement 26 mars d'Orgueil, Lubén Maria Bera, a fait parvenir le message de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Elle l'a félicité tout d'abord pour le 71e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée, le 19e anniversaire de la promotion du général Kim Jong-il au poste de secrétaire général du Parti du Travail de Corée et le 90e anniversaire de la constitution de l'Union pour abattre l'impérialisme par le président Kim Il-sung. Elle lui a souhaité de grands succès dans son travail pour l'éducation du pays socialiste indépendant et formulé l'hommage le plus sublime.